Chapitre 26e. Pendant que Pascal courait sur la route de Nogent, à la recherche de Midoucet, la situation rue de la Sablonnière paraissait s'améliorer. Pascal était parti au jour naissant, lorsque dans l'aube des lueurs rosées et jaunes commencèrent à tracer des raies lumineuses, Cérulas, jusque-là plongée dans un lourd engourdissement, s'agita sur son lit. Péniblement, après plusieurs tentatives, il tourna sa tête du côté de la fenêtre qui s'éclairait et il ouvrit les yeux. La lampe brûlait encore sur la cheminée, mais sa lumière rougeâtre s'était affaiblie devant celle du jour, et tout dans la chambre avait déjà pris sa forme distincte et précise. L'or, pâle et brisé, était étendu sur un fauteuil, tandis qu'Abeille se tenait droite et ferme sur la chaise où elle avait passé la nuit. Durant quelques minutes, Cérulas promena ses yeux par la chambre, allant de l'or à Abeille et d'Abeille à l'or, regardant partout comme s'il cherchait quelqu'un ou quelque chose. « Que veux-tu, père ?» dit Abeille en se penchant vers lui. Il la regarda longuement, et sans remuer les lèvres, il leva la main et la posa sur l'épaule de sa fille. « Ne te fatigue pas, » dit-elle, « tu es bien mieux. » Il la regarda encore avec une expression de tendresse désolée, puis, contractant tous les muscles de son visage comme s'il faisait un effort douloureux, « Pascal, » dit-il. C'était la première parole qu'il prononçait depuis son attaque. Remué jusqu'au fond du cœur, soulevé par l'espérance, Abeille lui prit à la main et la baisa. La tête inclinée sur cette main, elle n'osait se relever de peur de laisser voir l'émotion que trahissaient ses larmes. « Pascal, » répéta Cérulas. « Il est sorti, » dit Laure en s'approchant. « Il est chez l'huissier, » dit Abeille. « Ah !» Cette exclamation s'échappa de ses lèvres avec un soupir de soulagement, et comme s'il était désormais assuré contre tout danger, il resta tranquille sur son lit. En voyant ce calme apparent, Abeille respira. Toute la nuit, elle était restée penchée sur le lit, étudiant anxieusement la face convulsée de son père, les yeux sur ses yeux, respirant son haleine comme si chaque soupir devait être le dernier. Maintenant, il voyait clairement ce qui se passait autour de lui. Il entendait, il parlait. Une fois encore, il était donc sauvé. Le soleil levant éveillait la vie et le bruit dans le jardin. Les oiseaux qui faisaient déjà leur nid dans les buissons qu'un printemps précoce épaississait de feuilles naissantes et de bourgeons gonflés de sève, commencèrent à chanter. Un merle tout près de la fenêtre, et plus loin, discrètement, une fauvette. Dans le ciel radieux et pur se levait une belle journée. La chanson amoureuse de la fauvette frappa l'oreille de Cérulas. Il se tourna du côté de la fenêtre, puis, après avoir écouté durant quelques instants, il regarda sa fille. La pantomime demande une délicatesse exquise d'intuition. En la matérialisant et en la transportant au théâtre, on en a fait un art grossier bon pour le vulgaire. Quand deux êtres s'aiment ou sont en communion d'idées ou de sentiments dans la vie, ils ne miment point ces idées ou ces sentiments comme on le fait au théâtre. Pour dire « je t'aime », ils n'ont pas besoin de mettre la main sur leur cœur en poussant un soupir. Ils se regardent et de l'un à l'autre passe une flamme, un courant plus puissant, plus éloquent que la parole humaine. « Tu veux que je fasse la musique ?» dit Abeille. « Oui. » Le piano se trouvait dans la pièce qui joignait immédiatement la chambre de Cérulas. Abeille s'est enlevée sur le geste de son père, se dirigea vers cette pièce, mais avant qu'elle fût sortie, il l'arrêta. « Non, » dit-il. « Tu ne veux pas de musique ?»« Si. » Elle le regarda avec surprise, ne sachant que comprendre. Sans parler, il agita les mains. « Tu veux que j'amène le piano ?» dit-elle. Il ne répondit pas, mais ses regards valaient les paroles les plus nettes et les plus précises. Elle fit un signe alors, et toutes deux étant passées dans la pièce voisine, elles tâchèrent de rouler le piano dans la chambre, l'une le poussant, l'autre le tirant. Le parquet inégal et raboteux rendait ce transport difficile pour deux femmes. Cependant, elles en vinrent à bout. Lorsque le piano fut arrivé dans la chambre, Abeille voulut le pousser dans un coin, mais Cérulas lui fit signe de l'approcher du lit. « Là, » dit-il. Là, c'était à quelques pas du lit, de telle sorte qu'Abeille, assise devant le clavier, eut les yeux juste en face de ceux de son père. Ainsi, non seulement il l'entendrait, mais encore il la verrait, il l'embrasserait du regard. Elle s'assit. De tous les morceaux qu'elle jouait d'ordinaire, celui qu'il préférait quand il était dans ses heures de malaise ou de découragement, était l'Aurore de Beethoven, qui ne manquait jamais de lui rendre le calme et la sérénité. Elle lui joua l'Aurore. Aux premières mesures, son visage s'épanouit. « Oui, dit-il, oui. » Et les yeux sur ceux de sa fille, le visage presque souriant, il écouta avec béatitude. L'Aurore est probablement le morceau le plus éclatant, le plus sonore, qui était écrit pour le piano, mais il y a, dans l'introduction au final, des oppositions de notes claires et sombres, des silences poignants et des reprises triomphantes qui tombent sur le cœur comme des coups de marteau et l'écrasent. En arrivant à ce passage, Abeille, qui jouait les yeux levés vers le ciel pour ne pas regarder son père, ne fut pas maîtresse de l'émotion qui l'étouffait. Ses doigts s'arrêtèrent un moment et ses yeux s'abaissèrent. La tête soulevée par ses oreillers, les lèvres entr'ouvertes, les joues baignées de larmes, il écoutait en la regardant. « Va, dit-il, va !» Elle reprit. L'heure avait marché. Au moment où Abeille frappait les dernières mesures, la porte s'ouvrit et le médecin parut. Tout surpris de voir un piano auprès de son malade qu'il s'attendait à trouver à l'agonie, sinon mort, il interrogea Abeille du regard. « Mon père a voulu un peu de musique. Il parle, monsieur, il parle. »« Ah, il parle ?» Et s'approchant du lit, il examina ses rulasses. « Eh bien ?» demanda Abeille, qui, suspendu à ses yeux, suivait cet examen avec une cruelle angoisse. Sans répondre, il fit un signe qui semblait signifier que tout allait bien. « Continuez la glace, » dit-il. « C'est tout ?»« Cela suffit, je reviendrai. » Mais avec l'or, il fut plus sincère. Voilà un cas extraordinaire. Il ne devrait pas parler, il ne devrait pas comprendre, il devrait être déjà mort. Et cependant il parle, il comprend, et il n'est pas mort. Avec cette finesse d'oreille qui se rencontre chez certains musiciens, Abeille entendit ces derniers mots, bien qu'ils eussent été prononcés à voix basse. D'un bond, elle fut auprès du médecin. « Mort ? » s'écria-t-elle. « Et non, chère demoiselle. Sans doute, l'état est grave, mais il n'est pas désespéré. « Je vais revenir dans une heure avec un de mes confrères de l'hôpital Saint-Eugénie. Nous vous le sauverons, rassurez-vous. » Se rassurer, elle tomba foudroyée sur une chaise. Mort, perdu, son père ?« Abeille !» cria Cérulas. Elle essuya ses larmes. Elle essuya la sueur glacée qui l'inondait, et elle rentra. « Pascal, » dit-il. « Pascal !» « Ne reviens pas. Extraordinaire !» Les mots restaient dans sa gorge. Ses lèvres s'agitaient sans pouvoir les former. De la main, il lui indiqua le piano. « Quelque chose de doux, dit-il. Je suis mieux. Quelque chose de serein. Une sonate de Mozart, le thème en la, si tu veux. » À peine s'était-elle assise devant son piano, que l'or parut dans le cadre de la porte et lui fit un signe qui signifiait, à ne s'y pas tromper, qu'elle avait quelque chose de très grave à lui dire. Abeille se leva et passa dans la pièce où l'or avait reculé. « Les gens qui viennent pour enlever les meubles, » dit celle-ci. « Mon Dieu, il faut leur dire que Pascal va revenir et les payer. » « Je l'ai dit, ils ne veulent rien écouter. »« Mettez-vous au piano, » dit-elle, « je vais leur parler. » L'or entra dans la chambre du malade, tandis qu'Abeille sortait dans le jardin. Elle s'assit au piano, mais Cérulas la reconnut bien. « Non, Abeille, elle va revenir. Tout de suite, pas me quitter, je suis bien mal. C'est fini, Abeille, Pascal !» Mais Abeille ne pouvait revenir. Dans le jardin, elle avait trouvé deux hommes qui paraissaient être des déménageurs. « Nous venons chercher les meubles saisis, » dit celui des deux qui, sans doute, était le chef. « Mon frère va revenir, il est parti chercher l'argent pour vous payer. » Ils se mirent à rire en haussant les épaules. « Mon père est là, très malade. Il a été frappé d'une attaque d'apoplexie. Vous ne pouvez pas le déranger. » « Et la vente qui est fixée à 2 heures, croyez-vous qu'on peut la retarder ? » c'est impossible, vous n'entrerez pas !» s'écria-t-elle avec résolution. « Vous savez, s'il faut aller chercher ceux qui peuvent nous faire ouvrir les portes, on ira !» Elle voulut leur demander des explications pour les faire patienter et attendre leur tour de Pascal. Son père mourant, l'argent qui allait arriver, mais à toutes ces raisons, il répondait par un seul mot « La vente est annoncée pour 2 heures. » Elle était à bout de force, anéantie par les larmes qui étouffaient son cœur et paralysaient ses idées. Laure sortit de la chambre. « Il vous demande, » dit-elle. « Il ne veut que vous. Il fallait rentrer. »« Commencez par ces 2 pièces, » dit-elle en montrant sa chambre et la salle à manger. « Mais pas ici, par grâce. »« Il n'y a pas de danger, le lit n'a pas été saisi. » Elle rentra dans la chambre tandis que les déménageurs entraient dans la salle à manger. « Tu m'abandonnes ?» dit Cérulas en la regardant tendrement. « Non, père, cher père. Joue-moi ta sonate. » Elle se mit au piano, mais dans la pièce voisine, les déménageurs qui emportaient les meubles faisaient un tapage assourdissant. La sonate, d'un caractère doux et voilé, ne pouvait pas couvrir ce bruit qu'il fallait cependant étouffer. « Si tu voulais l'aurore, » dit-elle, et sans attendre de réponse, elle reprit avec une énergie désespérée le passage le plus bruyant. Son cœur éclatait. De ses yeux, les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir tombait sur les touches du piano et faisait glisser ses doigts. Haletante, éperdue, folle d'angoisse, elle n'osait regarder son père. Mais celui-ci ne s'apercevait pas de son émotion. Depuis quelques instants, le sang avait rougi sa face pâle et comme s'il revenait à la vie, ses mouvements paralysés avaient repris plus de liberté. Des mots sans suite s'échappaient de ses lèvres. « Les carbonates ne peuvent pas donner de résultats. » « Les réactions chimiques sont une folie. Il fallait régénérer la substance végétale. » Puis tout à coup, s'interrompant et interrompant Abeille, « Pascal, il faut aller chercher Pascal. Dis alors qu'elle le fasse venir tout de suite, tout de suite. » Et voyant qu'il ne l'écoutait pas et qu'il suivait sa pensée ou son délire, Abeille s'arrêta. Mais au même moment, les déménageurs qui étaient dans le laboratoire laissèrent tomber une pièce de cuivre et elle reprit pour dominer leur tapage. « Qu'est-ce ? » dit-il. « Que l'or ne fasse pas tant de bruit, cela me fatigue. Je souffre de la tête. Joue, continue, encore, encore. » Elle continua, revenant toujours aux passages les plus sonores. Cependant, les déménageurs avaient chargé dans leur voiture tout ce qui pouvait être emporté. Ils frappèrent à la porte de la chambre. Abeille se leva et passa dans la pièce voisine. « Que voulez-vous ? Le piano. Mon piano ? Il est sur le procès-verbal. » Elle voulut parler, mais les sanglots et l'émotion l'étouffèrent. « Excusez, » dit l'un des déménageurs, « en voilà qui ne se prive de rien. Mourir en musique, quel genre, matin !» Heureusement, elle n'entendit pas. À ce moment, l'eau rentra, précédant un grand vieillard au maintien résolu, à la tête intelligente et noble. « Nous sommes sauvés, » dit-elle. Et avant qu'Abeille pût lui demander l'explication de ces paroles étranges, le vieillard s'adressa au déménageur. « Laissez cela, » dit-il avec un accent anglais fortement prononcé. « Je vais vous payer ce qui vous est dû. Nous ne sommes pas là pour recevoir de l'argent, mais pour enlever les meubles saisis. Si vous touchez maintenant à une seule chose, je vous casse la tête, » dit le vieillard en relevant ses 2 poings. « Ne vous gênez pas. Allez chercher votre maître. » Les 2 déménageurs parurent se consulter du regard, puis, après un moment d'hésitation, « Vas-y, » dit l'un, « moi je reste là, à garder les voitures et les meubles, mais on ne m'y reprendra pas à venir chez les gens qui sont en train de mourir. »« Permettez-moi d'entrer auprès de monsieur votre père, » dit le vieillard, « ma présence lui fera du bien, je suis un ami. » Disant cela, il entra dans la chambre, suivi de Laure et d'Abeille, celle-ci ne sachant plus ce qui se faisait, ce qui se disait autour d'elle. Il marcha droit au lit et prenant la main du malade, « Cérulas, c'est moi, votre ami, le docteur Fotheringham. » En entendant ce nom, Abeille revint à elle. « Fotheringham ? » dit Cérulas. « Vous ne me reconnaissez pas, c'est que depuis 10 ans j'ai changé, j'ai vieilli. Je viens en Europe pour vous, mon ami. Notre collège, grâce à la libéralité d'un riche commerçant, vient de s'enrichir d'1 million de dollars. De nouvelles chaires ont été créées. J'ai obtenu pour vous celle de physique appliquée à la technologie. Vous y ferez un cours sur la chaleur solaire. Vos travaux sont connus là-bas. Vous êtes honoré. Vous trouverez toutes les facilités pour continuer vos recherches et vos expériences. » Un éclair de joie passa sur la figure de Cérulas et son regard chercha celui d'Abeille. « Pascal, dit-il, Pascal ne vient donc pas. J'aurais voulu qu'il fût là. » « Ne vous tourmentez pas, continua le docteur Fotheringham. Guérissez-vous. Nous partirons tous ensemble quand vous serez rétablis. » Mais Cérulas, secouant faiblement la main, fit un signe de désespérance. « Trop tard, dit-il, et il montra son front. « C'est la seconde. » À ce moment, Pascal, haletant, entra dans la chambre. « Ah, Pascal, dit Cérulas, je suis heureux. »« Tout est arrangé, dit Pascal. « Tranquillisez-vous, mon père. » Cette nouvelle le laissa parfaitement indifférent. Il parut ne pas l'avoir entendue, ou tout au moins ne pas l'avoir comprise. Renversé sur son oreiller, les yeux au ciel, il paraissait suivre sa pensée intérieure. Mais la sueur visqueuse qui baignait son visage et ses mains, sa respiration haute et oppressée, montrait au docteur Fotheringham que le moment fatal approchait. Pendant plus d'un quart d'heure, il resta ainsi. Personne n'osait parler. Abeille était prosternée près du lit. Laure et Pascal se tenaient par la main. Tandis que l'Américain, plus endurci contre la mort, restait sur une chaise, regardant ce triste tableau. « Fotheringham, dit tout à coup Cérulas, n'est-ce pas que j'aurais trouvé? Dites à mon fils que je n'étais pas un fou, dites-lui que j'aurais trouvé. » Il se fit un silence, mais de peu de durée. « Abeille, dit Cérulas, joue-moi la marche funèbre, mon enfant. » À ce mot, elle ne put retenir ses sanglots. Bien des fois, son père, dans ses jours de tristesse, dans ces moments où l'on parle volontiers de la mort, mais sans trop croire qu'elle nous frappera, lui avait demandé de lui jouer la marche funèbre de Chopin à l'heure de sa mort. Il se sentait donc mourir, qu'il demandait l'exécution de cette promesse. Refoulant son émotion, elle se mit au piano. Puis, par un suprême effort de volonté, elle commença à jouer. Mais ses forces trahirent son courage. Cette musique horriblement douloureuse, qui, alors même que nous sommes dans les conditions ordinaires de la vie, nous trouble et nous émeut jusqu'au fond des entrailles, fit éclater son cœur. Aux premières mesures, il lui sembla que la nuit éternelle les enveloppait tous, son père, son frère, elle-même, et en arrivant au final, à ce passage où les notes toujours les mêmes, sans repos, sans variation, frappent sur le cœur comme le roulement funèbre du tombeau recouvert d'un crêpe, elle se jeta à genoux contre le lit et, saisissant la main de son père, elle la baisa convulsivement. Cérulas ne s'aperçut pas de cette interruption. Déjà l'agonie avait commencé et ses sens n'étaient plus sensibles aux choses de la terre. Elle fut courte et sans douleur. À midi, son souffle, devenu de plus en plus faible, s'éteignit tout à fait.